Radiomatic. transmission 468 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet CRM, duquel nous écoutions la composition Tipping Point, tirée du plus récent album Ancient Code. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste anglaise Emma Anderson d'assurer la continuité à Audiomatic. Is a divine rod divine? I'm ready. avions droit à Audiomatic, au quatuor de jazz anglais Get the Blessing, de son septième et plus récent album studio Palette, paru le 20 octobre 2023. Nous vous avons présenté la pièce Heavy Water French Grey. Précédemment à Get the Blessing, c'était la formation américaine Meno Mena, de qui on entendait la chanson Pilgrim's Progress, extraite du split release vinyle 7 pouces que Meno Mena a fait paraître conjointement avec le groupe The Helio Sequence pour l'édition 2010 du Record Store Day. Et pour débuter, il s'agissait de l'artiste anglaise Emma Anderson, qui faisait autrefois partie de la formation Lush. De son premier album solo intitulé Pearlies et qui a été lancé le 20 octobre 2023, nous vous avons offert la chanson Inter Light. Et Audiomatic se poursuit avec une composition collaborative des projets danois Erot et français S. Dana. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'écouter le projet espagnol Estrato Aurora et sa pièce Quarcita tirée de l'album El Margen, paru en mai 2023. Avant Estrato Aurora, nous entendions le projet Erat avec la pièce The Bygone Schematics, composée en collaboration avec le projet S-Dana. Celle-ci se retrouve sur le Gneiss EP publié en 2021. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe suédois Frender. Lost amongst the missing in the down below. In the down below. C'était à Audiomatic, le groupe Vanishing Twin, qui est basé à Londres et qui nous interprétait la chanson The Down Below, tirée de son quatrième et plus récent album Afternoon X, sorti le 13 octobre 2023. Tout juste avant Vanishing Twin et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était la formation suédoise Frender, qui a récemment lancé son deuxième album simplement intitulé Frender 2, duquel nous vous avons fait jouer la chanson Hutu Hornar. La transmission d'Audiomatic prendra fin sur la musique du groupe mené par le trompettiste américain Christian Scott. La pièce que nous allons entendre, intitulée Anthem Post-Diluvial Adaptation, met également à contribution le rappeur Jason Hunter, qui se produit sous le pseudonyme de Brother G. C'est la pièce-titre de l'album Anthem, paru en 2007. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Christian Scott et sa pièce Anthem, la post-diluvial adaptation avec Brother G. C'était Audiomatic avec les sonoristes. The hurricane in my dome is not a chapter of reality. My mental levee was sabotaged by a hater-made tsunami. Battered and weathered by pain, the dark clouds that spill rains. Burns like bullets on drive-bys, in these gutters we lay like prey. City slicker bang bang, young G's with no basics. All ghetto codes null and void when you travel this far in the matrix. The future's gone backwards, so I refer back to the ancients. I refer back to the golden era as a time of peace and patience. Buckling from overload, I dig deep into the guard mode. No sanctuary, the golden calf is now entering into the terror dome. Obatala, Olegba, why do these mortals study hate? My ancestors didn't die in the civil wars of church and state. There's blood in the collection plate. Hope is a coin in the river. The passion of struggle becomes our fate. And mistakes, meditate. Elevation of youth, recycling the truth. Stand strong, live long, return man to their roots. Gods of light favor my darkness. My words indicate that I am free from the harness of illusion and the abusing of self. My indigenous gene keeps my focus on the dream. I'm told history for mortal man, yet I'm informed by Elohim. Praise the creator. Was it genocide by drowning, a homicide by clowning with time? Was it racism on Pennsylvania, just people in denial of the sundial? Drama supreme and no man will stand trial. It's straight extension of culture and it's definitely not in style. You see explosions and screams as a fortress of dreams submerges deeper into the hatred like it was Atlantis 2G. Ooh, we's too deep to fathom. Let's unveil the phantom and sing out the war anthem. I don't have to be an American patriot or Black Panther to smell y'all cool in this trick style of rapping. It ain't cracking, it's subtracting. Our nation of boom dapping, our menace is jawjacking, sagging and slack rapping, sending our culture to the dogs like Chuck Wagon. Liberate silence and action, eliminate violence is action.